son avec peine sans jamais attendre la capitale. Élève ma voix des bas-fonds, la capitale capitule. Effet, boule de neige pour tous mes nègres. Victime d'injustice, justice blanche, blanche, un coup de crash, cash. T'as pas d'escalade, bon fils pour le droit. À part une société capitalisée, destinée à ne respecter que la loi de l'argent, c'est dément. Peine le temps de trop tourner, pas de chance, pas d'appel. D'année, condamné à passer les restants de ta vie en prison. En attendant les escadrons d'amour, le coup de porte torpe pas nos directions. La chaise électrique, la loi du fric, règne au même maîtrise la vie des négros. Un plus pour les escadrons de la mort, direction le tombeau. Derrière les bons monuments, la tour est fait, l'effet, il fait pas. Dans les bas quartiers de Panne, la cape ronge les esprits, fragilisés par le vice d'une société au service du fric. Clic, clic, les gamins jouent pire, balles trappent, les balles craquent, les balles sifflent, les balles craquent. Qu'est-ce tu fais dans les cités? Les gamins ne jouent plus à balle trap. Qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu fais dans les cités? Les balles craquent, les balles chiffent, les balles craquent. Qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu fais dans les cités? Les gamins ne jouent plus à balle trap. Qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu fais dans les cités? Les balles craquent, les balles chiffent, les balles craquent. Qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu fais dans les cités? Les gamins ne jouent plus à balle trap. Qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu fais dans les cités? Les balles craquent, les balles craquent, les balles craquent. Assister la précarité, a pris le monopole, y'a plus stabilité. On fait des banlieues, berceau de la violence. Là où les vols, les viols subis sont permanence. Conducteur du bus tabassé, conflit armé avec la police. Garde serré sur place dépêché, police municipale armée qui joue les cow-boys. Journal de 20h expose les faits dans les cités. Les gars sont plus armés que les forces de l'ordre, les forces de merde. Prêt pour la bataille, loupe une marche, frère, et t'es. La chasse est ouverte, terrain de chasse, et ouais, vitrole. Le FN crée un état au sein de l'État. Le FHNU a fait les haineux. Alors pour les miens, je préviens et reste sans mes gardes. Carlouche avec des gars louches en bas de ta cité. Devine qui c'est. S-S-S. En bas de ta cité, un car rempli de singes, devine qui c'est. S-S-S. Et ouais, refrain, t'as compris? Alors, qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu fais? Dans les cités, les gamins ne jouent plus à balle trap. Qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu fais? Les balles craquent, les balles craquent, les balles craquent. Qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu fais? Dans les cités, les gamins ne jouent plus à balle trap. Qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu fais? Dans les cités, les balles craquent, les balles sifflent, les balles craquent. Eh ouais, on va voir dans les cités, les gars sont plus armés que les forces de l'ordre. Eh ouais, boum.